بسم الله الرحمن الرحيم ندخل اليوم في الدرس 51 بعد المئة 51e question أو leçon. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وحفظه الله تعالى في السؤال 61 وبعد 1361e question. ما هي النعمتان المغبون فيهما كثير من الناس؟ Quels sont les deux bienfaits dans lesquels les gens sont négligents, au sujet desquels les gens sont négligents? Il s'agit de as-siha, la bonne santé, ou al-farah, le temps libre. Comme dans le hadith de Ibn Abbas, radiallahu anhu, قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبونون فيهما كثير من الناس as-siha wal-farah, متفقون عليه. Qu'il y a deux bienfaits dans lesquels les gens sont négligents, c'est le c'est la bonne santé et le temps libre. Ou plutôt, c'est rapporté par Bukhari, c'est pas متفقون عليه. Car ce sont les deux bases par lesquelles le serviteur peut faire ce pourquoi il était accompli, adorer Allah Azza wa Jal. Être en bonne santé, c'est une ni'ma énorme, et le temps libre. Car beaucoup de gens sont occupés, n'ont pas le temps de faire beaucoup de choses, malheureusement. Donc lorsque ces deux-là se présentent, il faut saisir l'occasion. Car comme le dit certains salafs, nous ne sommes que du temps. Et chaque jour qui passe, c'est une partie de nous qui part. Car chaque jour qui passe, nous rapprochons de la mort. Donc cela reste du temps libre pour pouvoir accomplir des adorations, accomplir des actes qui nous seront une cause, qui nous seront une cause pour que Allah nous pardonne et nous fasse entrer dans son paradis. Et ces adorations ne peuvent être accomplies pleinement qu'en étant en bonne santé. Comme dans la parole d'Ibn Omar, il disait « Asbahta fala tantazir al-masa » ou il disait « Amsayta fala tantazir al-sabah » ou « Akhuz min sihatik min maradik » ou « Akhuz min hayatik limautik » si jamais tu attends le matin, n'attends pas le soir. Pour faire ce que tu as à faire. C'est-à-dire, ne reporte pas. Si jamais tu atteins le soir, n'attends pas le matin. Et sers-toi de ta santé pour le moment où tu seras malade, pour combler. Et prends de ta vie actuellement pour pouvoir, justement, affronter ta mort par la suite. Tout cela va ensemble. ثم قال في سؤال الثالث والستين والثلاثمية والف 1363e question. بماذا جفت الجنة والنار? Par quoi est-ce que le paradis et le feu ont été cachés? Ils ont été cachés par le paradis. Le paradis a été caché par les choses détestables, alors que le feu a été caché par les choses plaisantes, attirantes. Comme dans le hadith d'Abu Huraira, radiallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qala, hujibat al-nar bi shahawat, wa hujibat al-jannah bil makarih, muttafaqun alayhi. Donc c'est pour cela qu'on voit que les choses qui rapprochent d'Allah Azza wa Jal sont dures pour le nefs, sont dures pour l'âme. Et en réalité, c'est une chose qui en apparence paraît difficile et qui en réalité prend son plaisir et son goût avec en perdurant dessus avec le temps. Alors que celui qui a fait Allah fait entrer la foi dans son cœur, il va commencer à voir les choses mauvaises comme étant mauvaises, ne pas les apprécier. À titre d'exemple, des gens maintenant qui ont appris en islam, qu'est-ce que le porc? Tu leur apportes du porc, ils seront dégoûtés de l'avoir mangé. Tu leur apportes de la chair morte, ils seront dégoûtés de l'avoir mangé. Comme s'ils avaient mangé l'excrément. C'est une chose qui les répugne. Pourquoi? Parce que la foi est dans leur cœur, ils ont compris. Il faut qu'il en soit de même pour le reste. Que des péchés nous deviennent répugnants et que les bonnes actions nous deviennent délicieuses. Mais ça, c'est un stade qui n'est pas accordé à tout le monde. Quoi qu'il en soit, on combat notre nefs. Et même si une chose nous paraît, comment dire, difficile à accomplir et peu attirante, mais qui nous rapporte un bien, on l'affronte et on l'a fait. On l'a fait quand même. ثم قال في السؤال الرابع والستين وثلاثمائة وألف 1364e question. ما هو خير الناس? Qui est le meilleur des gens? Ce sont ceux dont la vie dure longtemps et dont les œuvres sont bonnes. Comme dans le hadith de Abu Bakr. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال يا رسول الله أي ناس خير? قال من طال عمره وحسن عمله. فقال وأي ناس شر? من طال عمره وساء عمله. Qui le dit? Un homme a demandé au Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui est le meilleur des gens. Il dit celui dont la vie dure longtemps et dont les œuvres sont bonnes. C'est-à-dire il vit longtemps et tout son temps de vie qui est long, il fait des bonnes œuvres. Et qui est le pire des gens? Celui dont la vie est longue également et dont les œuvres sont mauvaises. C'est-à-dire tout le temps où il vit longtemps, il fait que des mauvais actes. C'est-à-dire lorsqu'on voit par exemple des musulmans âgés sur l'istiqama, sur le khayr, c'est une bonne nouvelle. Et lorsqu'on voit des mécréants, des gens qui sont âgés, qui continuent sur le mal, qui n'acceptent pas la vérité, continuent à faire des perversités, des turpitudes, alors qu'ils sont âgés, ceux-là Une chose qui montre le mal qu'ils ont en eux. Le mal qu'ils ont en eux. ثم قال في سؤال السادس والستين وثلاثمية ألف ميل تروسون سنتيزيام كيستيون على ماذا يبعث العبد sur quoi le serviteur est-il ressuscité après la mort quand est-ce qu'on le remet en vie sur quoi sur quelle situation on le remet en vie sur ce quoi il est mort la situation sur laquelle il est mort ils sont restés sur cette situation là celui qui était mécréant sera resté sur la mécréance celui qui était sur l'islam sera resté sur l'islam celui qui était musulman qui à la fin de sa vie était sur l'istiqama la droiture sera resté sur la droiture celui qui avait commencé à avoir un manquement et être sur les choses mauvaises sera resté là-dessus ou même celui qui était mécréant pendant 60 ans et le dernier jour de sa vie il s'est converti à l'islam ce dernier jour-là il sera resté sur le jour de l'islam et tout le reste sera effacé également celui qui était 60 ans sur l'islam et qui au dernier jour de sa vie aura apostasié il sera resté sur l'apostasie wa la'az billah كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر يبعث كل عبد على ما مات عليه que chacun sera ressuscité sur ce qu'il est mort في السؤال السابع والستين وثلاثمية وألف 1367 question أفضل استمع فيه donc il dit dans la 1367 question ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رضى الله بعبد خير عسله que veut dire ce hadith c'est à dire que Allah Azza wa Jalla s'il veut un bien à son serviteur il lui fait accomplir une bonne œuvre avant de mourir il le fait mourir sur le bien هذا معنى عسله quand dans le hadith de Abi Anibah ou Anabah Amr ibn al-Hamq قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رضى الله بعبد خير عسله وقيل وما عسله يفتح الله له عملا صالحا قبل موته ثم يقبضه عليه رواه أحمد qu'il a dit النبي صلى الله عليه وسلم que si Allah il veut un bien pour son serviteur عسله ils ont dit ça veut dire quoi عسله il dit c'est à dire que Allah lui permet d'accomplir une œuvre de bien sur la cœur et par la suite il meurt après avoir fait cette œuvre là il meurt le hadith rapporté par Ahmed ثم قال في السؤال ال 71 و300 و1000 1371e question اذا رايت انسانا لا يصلي ولا ويرتكب المعاصي فما واجبكم ou واجبك tu vois une personne qui fait pas la salat dans la question 1371e question tu vois une personne qui fait pas la salat et qui fait des péchés quelle est ton obligation face à lui l'obligation c'est de le conseiller et de l'appeler avec sagesse et avec bonne exhortation. Comme a dit Ta'ala, "Ud'u lis-sabil rabbika bil-hikmati wal-mu'izati al-hasana." Comme dans le sens où Allah dit et appelle au sentier de ton Seigneur avec sagesse et bonne exhortation. Et bonne exhortation. Sourate les fourmis les abeilles à foin verset 125. Et dans le hadith de Jarir ibn Abdullah قال بيعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنصف لكل مسلم متفق عليه qu'il dit j'ai porté allégeance au prophète صلى الله عليه وسلم pour accomplir la salat pour m'acquitter de la zakat et de prodiguer le conseil pour tout musulman donc le conseil on patiente sur lui le conseil on patiente sur lui طيب سنكتفي بهذا القدر اليوم والحمد لله رب العالمين